il y avait dans la maison un jeune taureau, de la plus grande taille. Cet animal, bien nourri, ne travaillant pas, Enmeher le réservait pour saillir les vaches du bourg, et procurer par là une meilleure espèce. Les bouviers publics n'achetant que de jeunes tourillons de la plus mauvaise venue. Cet animal, disais-je, était d'une fougue qui ne permettait à personne de l'approcher. On était forcé de le laisser errer dans la cour. Mais dès que son maître paraissait, le taureau venait à lui en bondissant, le suivait au jardin sans s'écarter, et mangeait de sa main les herbes qu'il lui donnait. Il le conduisait ainsi à l'écurie, l'attachait lui-même, sans autre résistance que quelques mugissements plaintifs. C'est un talent précieux dans les campagnes que celui de se faire ainsi aimer et craindre des animaux, et tous ceux qui l'ont tirent beaucoup plus d'utilité de ses humbles serviteurs que ceux qui n'emploient que la force et les coups. Quant à l'attachement des chiens pour mon père, cela allait au-delà de toute expression. Mille fois on s'est amusé dans le pays à en faire des épreuves étonnantes. Je ne les rapporterai pas, mais je citerai un trait plus touchant. Mon père demeurait au domaine de la Bretonne, qui est absolument isolé et ne touche au village que par les murs d'un enclos assez étendu. Il s'était plaint souvent de ce qu'on fermait les portes avec si peu d'exactitude, qu'il était aisé de les ouvrir en dehors. Un jour qu'il revenait de campagne, il voulut essayer d'entrer sans frapper. Il y réussit et parvint, quoiqu'avec peine, à faire tomber une petite solive qu'on mettait en travers derrière la porte. Il avait alors, entre autres, une chienne rouge de Millevrette, excellente pour la garde des troupeaux. Il y préservait du loup, sans compter son aptitude pour la chasse du lièvre. Ses qualités la rendaient d'une utilité très grande pour la maison et la faisaient particulièrement chérir de son maître. Aussi, elle était attachée au-delà de toute expression. Aussi, disait-il quelquefois en riant, « Après ma famille, je n'ai jamais eu de meilleurs amis. » Que tous les jours, Germain, excellent garçon de charrue, Flamand, c'était un des chevaux dont j'ai parlé, et Friquette, c'est le nom de la chienne. Au bruit sourd qu'il faisait en s'efforçant d'ouvrir la porte, Friquette s'approcha sans doute et n'aboya pas, suivant son usage. Elle méditait quelque chose de pis contre le prétendu voleur. Quand le soliveau fut tombé, mon père avança une jambe et la moitié du corps pour achever d'ouvrir. Mais aussitôt il sentit sa jambe saisie par un chien. Il n'en fut pas blessé néanmoins. Le nez de Friquette sentit son maître. Elle poussa un hurlement douloureux et si effrayant que toute la maison en fut épouvantée. On courut dans la cour avec de la lumière. On vit alors le maître de la maison, la chienne se roulant devant lui avec des cris aigus et lamentables. À mesure qu'il avançait, elle venait se mettre sous ses pieds et s'étendait pour qu'il la foulât. Il ne faisait pas d'abord beaucoup d'attention, occupé qu'il était à représenter les suites que pouvait avoir la négligence de si mal fermer la porte. Mais quand il fut entré dans la maison, la chienne continuait sa soumission, sautant sur les chaises, hurlant, venant ensuite se rouler à ses pieds, paraissant hors d'haleine. Il la gronda pour la faire cesser. Il est impossible d'exprimer les cris qu'elle poussa. On voyait de grosses larmes sortir de ses yeux. Son maître fut obligé de lui parler avec douceur, et de la flatter de la main en lui donnant lui-même à manger. On réussit alors aisément à la faire sortir, ce qui avait été impossible auparavant, même avec quelques coups de fouet qu'on lui avait donnés par impatience. 8 jours entiers, elle continua ses excuses muettes à son maître, d'une manière si vive et si touchante qu'on en était attendri. Il fut obligé, pour la remettre tout à fait, de la mener avec lui quand il sortait, et de lui marquer, par ses manières, qu'il avait parfaitement oublié sa faute. Oh, Descartes, il fallait observer davantage la nature, avant d'enfanter vos ingénieux systèmes. J'ai dit que mon père vendait ses chevaux, au bout de 2 ans de service. Excellente règle d'économie, qui n'était pourtant pas sans exception. En effet, par ce moyen, le premier achat une fois fait, tous les chevaux dont il se servit pendant le cours d'une longue vie ne lui coûtèrent plus rien. Au contraire, c'était une sorte de commerce lucratif, et le seul qu'il fit. Mais à cette occasion, je parlerai de la manière dont il vendait et dont il achetait. Quant à sa manière de vendre, j'en ai déjà dit un mot. J'ajoute qu'il n'avait presque jamais égard à la solvabilité de ses acheteurs, non faute de jugement, mais par humanité. Aussi ne s'enrichit-il jamais, ce qu'il aurait pu faire par ses seuls talents naturels, et sans s'écarter de la probité la plus rigide. Mais lorsqu'un pauvre homme venait en pleurant lui dire que son cheval était mort de vieillesse, il ne pouvait lui en refuser un, et se contentait de son obligation au lieu d'argent. Il n'a jamais exigé, par huissier, le paiement d'aucune, il recevait les plus légers acomptes, et souvent dans ses tournées, au lieu de recevoir, il prêtait à ses débiteurs pour les aider à payer leur taille. Cette conduite le faisait bénir des femmes et des enfants lorsqu'on le voyait arriver dans un village. Cet homme si laborieux, si économe chez lui, ne regrettait jamais la perte de son temps, de ses peines, lorsque cela était utile au prochain. Nous avons trouvé à sa mort pour 2000 écus d'obligations non exigées et prescrites avec les mots « Ces gens sont pauvres et de bonne volonté ». Il y avait sur quelques-unes de légers acomptes. Je ne cacherai pas que ma mère lui faisait quelquefois des représentations sur ce qu'elle nommait sa négligence à se faire payer. Il lui répondait alors « Ma femme, nous avons du pain, du vin et quelque chose en outre. Ces gens manquent du nécessaire, ce sont nos frères. Irais-je les faire mourir de faim en leur arrachant jusqu'à la dernière bouchée ? À Dieu ne plaise, et vous ne le voudriez pas vous-même. Mais nos enfants, je veux leur laisser un bon héritage, avec votre bonne aide, ma femme, et l'excellent exemple que vous leur donnez. Ils auront au moins 1000 écus de rente. » Et la voyant étonnée, il continua. « Votre exemple et le mien leur apprennent à se passer un peu. Point de tabac, point de vin, point de jeu. Cela vaut bien 500 francs par an. La dureté pour eux-mêmes, l'exemption de la confiance, au médecin et à l'usage des remèdes. » Le goût du travail, la science, de l'économie, cela vaut plus de 1500 livres de rente, 2000 francs. L'éloignement de la coquetterie, l'estime de toute occupation utile, quelle qu'elle soit, le mépris et l'horreur de l'oisiveté, de quelque beau nom qu'on la décore, cela vaut bien 1000 francs. Voilà déjà les 1000 écus, la bonne volonté méritée de tous ceux à qui ils auront affaire. Cela est d'un grand prix, le goût de la médiocrité que nous leur inspirons tous deux, l'amour de l'honnêteté, de la justice, du désintéressement, de la liberté même, la forte conviction où nous les avons mis, que les richesses ne sont rien, que le contentement du cours et de la conscience est 100 fois préférable, qu'au moment suprême le roi couronné de la plus puissante nation et le bouvier déguenillé, exposé à la pluie et au frimas, redeviennent égaux pour toute une éternité. Cela, ma femme, est sans prix. Nous laisserons, croyez-moi, à nos enfants un plus grand et plus glorieux héritage qu'un duc et père. » Lorsqu'il faisait l'acquisition de quelques fonds de terre, il examinait si le vendeur pouvait le conserver, et il l'exhortait à ne point vendre l'héritage de ses pères. Si c'était une chose indispensable et résolue, il achetait le prix en conscience, et s'apercevant déjà que les terres augmentaient peu à peu de valeur, il ajoutait au prix ce que l'héritage aurait valu de plus dans 10 ans. Ensuite, si c'était un pauvre homme, il lui faisait présent de quelques jours après la vente de 2 ou 3 boisseaux de grain pour lui et pour ses bestiaux. Aussi, tout ce qui se trouvait à vendre lui était-il offert, avant qu'on pensât à d'autres. En cas de retrait lignager, il ne plaidait jamais. Il n'exigeait pas même le remboursement comptant, et prenait volontiers une obligation, espèce de contrat qui ne rapporte aucun intérêt. Il ne me reste plus à parler que de sa manière de rendre la justice. Il fut notaire de bonheur, et dès le commencement de son premier mariage. Il exerça cet emploi toute sa vie, mais il lui fut peu avantageux. Ses héritiers ont à peine retiré les deniers avancés pour le contrôle des actes. Il fut nommé juge par le commandeur de Malte, seigneur du bourg, à la mort de Maître Bojvza, qui l'était depuis 40 ans. Mon père ne rechercha point cette place. Elle lui fut donnée d'après une députation secrète de 12 habitants qui l'allèrent demander pour lui. Il reçut ses provisions avec reconnaissance, mais il s'excusait sur son incapacité. « Si vous êtes incapable, lui écrivait le commandeur, avec la bonne volonté que je vous sais, je ne recevrai pas votre démission, mais je vous donnerai un aide. Ainsi, n'ayez aucun scrupule. D'ailleurs, les jugements que vous avez rendus comme ancien patricien durant la maladie de votre prédécesseur n'annoncent pas de l'incapacité. Mais c'est une droiture de sens qui m'a fait le plus grand plaisir. » Vous ne pouvez que croître son expérience et en lumière ainsi. J'espère que de vous, que vous ferez bénir ma nomination, ardemment sollicitée par mes vassaux, etc. Signé le commandeur du Saulce, les Auxerres. Si la nomination d'Edmé R avait été sollicitée par les habitants, et si l'exercice de ses fonctions leur en a été agréable, il n'en fut pas de même des praticiens. Comme il y avait très peu de gens instruits dans le bourg, les sous-officiers de la justice, même le procureur fiscal, était de Vermenton, gros bourg à 1 lieue de Sassy. Ils ne tardèrent pas à s'apercevoir qu'au lieu de leur donner de l'occupation, le nouveau juge ne cherchait qu'à leur en ôter, en prévenant tous les procès et en faisant des accommodements le plus qu'il était possible. C'est à quoi il employait l'après-midi des dimanches et fêtes, sauf le temps des offices. Il s'en plaignit amèrement à lui-même, mais il ne crut pas devoir faire attention à des plaintes de ce genre. Heureusement, N.R. fut appuyé par le procureur fiscal, place qui rend trop souvent celui qui l'occupe le fléau des paysans. Cet officier, nommé Maître Boudard, était résident à Vermenton, comme les autres, mais il était fils d'une sœur de Marie d'Ondaine. Outre que c'était un très grand honnête homme, au-dessus de cette place par sa fortune, il avait pour son oncle toute la déférence que celui-ci méritait. Il le consultait pour ses réquisitoires, et s'attachait, d'après ses conseils, plutôt à prévenir le désordre qu'à le punir, sans pourtant encourager le vice par une négligence déplacée. D'un autre côté, messire Antoine Foudria, pasteur d'un mérite peu commun, secondait ces deux hommes dans tout ce qui regardait son saint ministère. Comme il avait beaucoup de lumière, beaucoup d'esprit, et surtout le talent de gouverner, il donnait du poids à leurs ordonnances de police en prenant la peine d'en démontrer en chair l'utilité. Sage et respectable accord des deux autorités qui gouvernaient les hommes. C'est le plus sûr moyen de les rendre heureux, si le prêtre et le magistrat ont des vues droites et modérées. Aussi, Antoine Foudria, dit-il un jour à ses paroissiens, « Vous avez ici deux prêtres, mes enfants, celui de Dieu que j'ai l'honneur d'être et celui de la loi, tous deux également vénérables par leur ministère, tous deux représentant Dieu même à votre égard, tous deux vos pères, tous deux ne cherchant que votre bien, comme nous croyons avoir été assez heureux pour vous en donner des preuves, votre juge et moi. » Il tenait ce discours après l'arrêt du Parlement qui remettait les Saxéates en possession de leur bois. Aussi excita-t-il un attendrissement général. Et le prêtre et le nouveau juge furent portés chez eux comme en triomphe au sortir de l'église. Mais la circonstance où le juge de Sacy exerçait surtout son inclination à faire bien et mécontentait davantage les officiers du siège, c'était lors des inventaires après décès. Touché du sort de pauvres orphelins et nus de veuves éplorées, il expédia tout en une vacation. Encore faisait-il remise de ses honoraires. « Vous avez bien hâte, lui disait-on. « Vous avez raison, répondait-il en riant, mais croyez que je suis aussi intéressé à avancer que vous à prolonger la besogne. Et l'intérêt, vous le dites quelquefois vous-même, est la mesure des actions des hommes. » La réputation de sagesse et d'intégrité d'Ennemé R s'étendit bientôt dans les environs. On voyait, et je l'ai vu moi-même, arriver des villages circonvoisins tous ceux qui avaient des affaires, soit pour le consulter, soit pour s'en rapporter à son arbitrage. Il avait chaque jour de fête une audience, comme s'il avait été magistrat d'une grande ville. Il discutait les affaires de ses bonnes gens avec la plus grande complaisance, mais après celle des gens du pays, et il leur disait pour s'excuser. « Mes amis, il faut payer ses dettes, avant que de songer à être charitable. » Ces étrangers apportaient quelquefois des présents, soit en gibier, soit en volaille. Il ne leur donnait pas la mortification de les remporter, mais il voulait absolument qu'ils en reçussent la valeur, soit en argent, soit en doré, à leur usage. Lorsqu'on le connut sur ce ton, les étrangers, car ceux du pays n'auraient pas osé prendre cette liberté, entraient furtivement dans la cour et y lâchaient sans qu'on s'en aperçût leurs poulets ou leurs poulettes, de sorte qu'on ne les reconnaissait que le soir, à l'embarras de ces jeunes animaux pour se jucher. Ce sont les seuls présents qu'on puisse dire qu'il ait gardés, parce qu'il ne savait à qui s'en prendre. Il ne recevait jamais rien pour toutes ses consultations aux étrangers, lors même qu'il lui arrivait de se transporter hors de chez lui, pour voir les choses par ses yeux. Comme c'était toujours une fête, il disait qu'on ne devait faire, ces jours-là, suivant le catéchisme, aucune œuvre servile, c'est-à-dire en vue de salaire. Quelques paroissiens, plus élevés qu'éclairés, furent scandalisés de ses absences les jours de fête. Mais Antoine Foudria, l'ayant su, il avertit ses ouailles en chair que leur juge ne s'absentait jamais pour affaire, qu'il le regarda personnellement, et que l'exercice de la charité chrétienne était la meilleure manière de sanctifier les dimanches et les fêtes. Cette justification de la part d'un pasteur aussi révéré que messire Antoine fit cesser tous les murmures et prévint le scandale. Outre les services rendus par N.R. à sa patrie, service si considérable que deux mendiantes qu'il l'a trouvée, elle est riche aujourd'hui, il en est un don je n'ai pas encore parlé. C'est une suite d'observations sur le retour des bonnes et des mauvaises années, propre à guider les vignerons surtout, auxquels la gelée enlève si souvent le fruit de leurs travaux. Il les a faites durant 30 ans. Ces observations consistaient particulièrement à prévoir chaque année quelle serait la température générale, c'est-à-dire si l'hiver serait long, froid ou pluvieux, l'été sec et chaud, ou froid et humide, s'il y aurait des gelées tardives au printemps, etc. Ces éphémérides lui ont quelquefois utilement servi une année sur tout. C'était en 1749. Persuadé qu'il y aurait des gelées tardives, il déféra de faire tailler ses vignes. La gelée survint au milieu de mai, et il n'y eut de prix que le bout des verges. Mais la vigne fut fatiguée de ce retard. Une autre fois, en 1753, il profita encore de ses éphémérides, et en fit profiter toute la paroisse pour l'achat des tonneaux, qui étaient à grand marché dans le carême. Il en fit une provision considérable, et en céda à crédit à ses voisins. L'année ayant été bonne, les tonneaux qui avaient coûté 40 sous en mars se vendirent en septembre 4 francs et 100 sous. J'ai lu depuis avec une sorte d'admiration que mon père, qui ne connaissait pas les anciens Romains, et qui jamais n'avait entendu parler ni de Caton, ni de Varron, ni de Columelle, les avait imités par ses éphémérides. Les anciens faisaient de ces sortes d'expériences sur le retour des années, et se les communiquaient. C'était un dépôt de famille qu'ils se transmettaient. J'ai remarqué dans celle de mon père une grande singularité. C'est qu'en 1723, je crois, il ne plut pas depuis février jusqu'en septembre dans nos cantons, ce qui fit manquer les foins et les menus grains. Je ne saurais m'empêcher ici de remarquer quel homme serait été Kenmeer s'il fût né à Rome, du temps des Valerius Publicola, des Brutus, etc. Je le regarde comme aussi grand que ces grands hommes. Il ne lui a manqué que la position, et non la vertu. Je vais terminer cette première partie par une observation relative aux pages 111 et 112. C'est une tradition de notre famille que notre ancien nom était Mont-Royal ou Mont-Royal, et que le surnom de Rétif ou Rétif y fut joint en 1309, à l'occasion du Templier Jean de Mont-Royal, qui, lors de la destruction de l'ordre du Temple, fut un de ceux qui le défendirent par des discours pleins de force et de vérité, devant les commissaires du roi Philippe le Bel et du pape Clément V. On croit que telle fut l'origine du surnom de Rétif, qui s'étendit à ses parents. Ces champions de l'ordre ne furent pas exécutés comme les relapses, qui, après avoir avoué par faiblesse les crimes qu'on leur imputait, s'étaient ensuite rétractés. Voyez Dupuis. Feu M. Rétif, curé d'Auxonne, l'un des fils de l'avocat R, était très au fait de notre tradition, sur laquelle il avait fait des recherches particulières, mais manquant de titres authentiques, il ne publia rien. Son père disait souvent « Notre nouveau nom est honoré, mais nous ne savons trop ce qu'était l'ancien ». C'est par le curé d'Auxonne que nous savons qu'en 1582, Charles Rétif du faubourg Saint-Amard à Auxerre, protestant, rédigea une requête au roi Charles IX, au nom des autres religionnaires, pour avoir des écoles à leurs dépens, offrant d'abandonner aux catholiques celles qui étaient fondées. Tous nos titres ont été perdus lors des guerres de religion, nos ancêtres ayant embrassé la réforme des premiers, ils se trouvèrent exposés à toutes les catastrophes. J'ai ouï dire que nous avions des parents en Angleterre de notre ancien nom, qui traitèrent de Rétif ceux qui restaient en France. Nous avons eu des alliances très relevées. Quoi qu'il en soit, les seuls titres dont nous prétendions nous glorifier, mes frères et moi, c'est de ceux de mon père. Fin de la première partie.